le sais déjà. Je suis Mina. Je suis Mina. Pourquoi tu me files l'espoir pour après me filer le cafard? Je suis Mina. Je suis Mina. Carrie, c'est bizarre, tes yeux mentent aussi bien que ta bouche. C'est un mot, il est Mina. Avoir conquis l'esprit vif et belliqueux. Courir à ma place pour les caprices de Carrie.